France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 125. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 15 juin 2008, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es griot wolof en boubou. Tu es mafé ou foufou, tu es lions indomptables au Cameroun ou éléphant en Côte d'Ivoire, tu es négritude, tu es au cœur des ténèbres et tu es aussi... Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, de l'écho des savanes à la mangrove, tu traverses l'Afrique noire francophone. Alors aujourd'hui, nous fêtons nos darons, enfin ton paternel quoi. Mais ici ce matin, nous avons surtout décidé de célébrer le père de nos pères et quand on remonte aux origines, on arrive évidemment en Afrique. D'ailleurs, si tu réfléchis bien, les premiers hommes sont souvent noirs. Pour Toumaï, on voit bien. Pour Adam, nulle part, il est écrit qu'il était blanc. Quant au premier homme sur la Lune, Armstrong, on le sait bien, il était noir et trompettiste. Ainsi, pour cet avant-dernier épisode de la saison, la panique au Mangin Palace t'offre ce matin une petite balade de 53 minutes sur l'envoûtant continent africain. Et pour commencer notre exploration subsaharienne de l'horreur négrière au père missionnaire, il faut revenir sur l'histoire séculaire qui nous unit aux peuples africains. Ensuite, après son célèbre séjour au Congo dans les années 30, nous tenterons de décrypter ce qu'a fait Tintin depuis pour aider à se développer l'Afrique d'aujourd'hui. Et dans la foulée justement, après Tintin, c'est un autre Belge, le merveilleux Benoît Boulvorde, qui viendra nous raconter ce qu'est devenu le Paris-Dakar. Et puis, nous te dévoilerons les coulisses de ce mystérieux et secret voyage au Sénégal qu'a entrepris Chirac l'Africain mercredi dernier. Et enfin, nous découvrirons avec Monique et Jean-Claude, le nouveau curé de Grosboul-les-Bains, un homme venu tout droit d'Afrique. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et même si t'y vois rien, sois malien. Amadou and the Boys, c'est la réalité réinventée par l'incroyable DJ Zebra qui offre l'occasion aux Britanniques du groupe Blur de rencontrer les Maliens Amadou et Mariam et de reprendre ensemble ce tube de l'année 2004. Et bien depuis, chaque jour, Mariam Amadou Blur dans les épinards. Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace, complètement acquise à la sape, a donc chaussé de magnifiques mouchiniabata et a enfilé un somptueux dashiki pour partir présentement explorer les immenses espaces de l'Afrique noire francophone. Et pour commencer notre expédition, il est nécessaire de revenir durant quelques minutes sur les relations anciennes qui nous unissent aux peuples africains, une histoire qui commence sur le littoral. En face de Dakar, il existe une île, petite par la surface, mais grande par son passé, l'île de Gorée. Ce lieu qui peut paraître aujourd'hui enchanteur, fut dans le temps un lieu d'épouvante. Toutes ces maisons contiennent les sinistres caves où les esclaves étaient enfermés. Colbert, en 1688, essaya bien d'adoucir la vie des malheureux esclaves par des édits. Mais ces édits étaient-ils suivis par les maîtres lointains? Je lis deux de ces édits. Les maîtres pourront faire enchaîner et battre leurs esclaves qui le mériteront, mais non les mettre à la torture, ni les mutiler, à peine d'être procédés extraordinairement contre eux. L'esclave, demeuré fugitif pendant un mois, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys à l'épaule. À la seconde évasion, il aura les jarrets coupés et à la troisième, il sera puni de mort. Si l'on veut bien se persuader que ces édits étaient un très grand adoucissement sur ce qui existait antérieurement, on voit que les malheureux noirs étaient traités avec très peu d'humanité. Peu d'humanité? C'est un doux euphémisme pour qualifier l'horreur de la traite négrière mise en place dès le XVIe siècle. Les Européens restent alors sur le littoral et ce n'est qu'au XIXe siècle qu'ils entament la conquête de l'Afrique. C'est la colonisation qui s'appuie sur une vision très particulière de l'homme noir. Mon arrière-grand-père, je crois, était tirailleur sénégalais. Hein, et il est devenu vraiment une célébrité, hein, puisqu'il est sur toutes les boîtes de bananes, hein, depuis des années. Hein. Oui, oui, oui. Tu en as gardé quelque chose de ton grand-père, de ton arrière-grand-père? Oui, je connais les chapeaux. Les chapeaux? Oui. C'est délicieux, banania. Banania, banania. Y a bon. Banania. Banania. Banania. Banania. Yabon Banania, c'est la vision classique que l'immense majorité des Européens se fait alors de l'homme noir. Un bon sauvage qui doit dire merci à Boana pour la si difficile mission civilisatrice exaltée lors de l'exposition coloniale de Paris en 1931. Cependant, quelques consciences, dont Albert Londres ou André Gide par exemple, dénoncent le système esclavagiste qui pille l'Afrique. Et oui, de son voyage au Congo, Gide met en avant l'infamie du système colonial, mais pas que ça, dis donc. Maintenant, il y a un élément qu'il faut bien mettre aussi en avant. J'étais moi-même extrêmement attiré, osons le dire sensuellement aussi, par la race noire. Et une race non déformée par le costume, la civilisation, les lois, les mœurs. J'espérais trouver là-bas, je ne l'ai pas toujours trouvé, mais certaines fois, une humanité est libre et naturelle. Une humanité libre et naturelle, c'est ce dont se sont emparées les puissances coloniales. Alors, quand le 30 juin 1960, en pleine vague de décolonisation, le brave Baudouin, roi des Belges, déclare dans son discours à Léopoldville que l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, Patrice Lumumba, le Congolais, a la bravoure de se lever pour rappeler la réalité de la colonisation. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires de misère. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots, où furent brutalement jetés ceux qui avaient échappé aux balles des soldats dont les colonialistes avaient fait l'outil de leur domination. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Assurer que les terres africaines profitent véritablement aux Africains n'est pourtant pas une chose évidente après la décolonisation. En effet, si officiellement les peuples ont retrouvé leur indépendance, dans la réalité, les structures économiques restent bien souvent aux mains des grandes compagnies toujours présentes en Afrique et qui ne pleurent pas la décolonisation. Les jolies colonies de la France, merci maman, merci papa. Les colonies de la France et de la Belgique obtiennent donc toute leur indépendance dans les années 60. Pourtant, la mise en place de la démocratie n'est pas chose aisée et la création de dizaines de nouveaux pays en si peu de temps entraîne bien souvent des conflits frontaliers. Mais bon, avec quelques milliers de kilomètres de distance, tout va bien. Senghor, hoye, hoye, Mobutu, hoye, hoye. L'amitié sénégalo-congolaise, une amitié solide du vieux temps. Senghor à Dakar, au front de l'Afrique, Mobutu à Kinshasa, au cœur de l'Afrique. L'amitié sénégalo-congolaise, une amitié datée de nos ancêtres. Senghor à Dakar dans l'UPS, ah, l'amitié. Elle existe également entre les anciennes colonies et les métropoles. Tiens, par exemple, en France, par le passé, on n'avait pas hésité à faire venir des Noirs pour défendre notre patrie. Et dans les 60s, on n'a pas non plus hésité à autoriser la venue de travailleurs noirs pour répondre au manque de main-d'œuvre. Une concurrence déloyale, d'ailleurs. Autrefois, le blanc était heureux dans son usine. Le soir, quand il rentrait dans son deux pièces cuisine, il chantait des chansons de Delmet. Mais les Noirs sont venus avec leurs trompettes. Quand il les a entendus, le blanc a perdu la tête. Comme à Jéricho, les murs se sont écroulés et le blanc a constaté qu'il n'avait pas de tempo. Des usines de Billancourt, écoutez donc battre le cœur, les marteaux, pilons et les tours clament la peine et la douleur des pauvres blancs de chez Renault qui veulent chanter leur malheur. Mais hélas, hélas, hélas, non pas de tempo. Oh, Seigneur. Oh Seigneur, elle est en effet bien paradoxale la position des Européens qui par le passé ont épongé leur trop-plein démographique en conquérant des continents entiers, eux qui ont construit une partie de leur industrialisation sur les colonies et qui aujourd'hui trouvent terrifiante l'idée qu'un humain dans la misère puisse avoir le simple désir de partir pour survivre. Car on ne le dira jamais assez. Mais les véritables héros de notre époque, ce ne sont peut-être pas les navigateurs bardés de balises de détresse, ni les machines sportives explosant les records. Non, les véritables héros sont sans doute ceux qui risquent leur vie en traversant le monde sur un radeau fragile ou accrochés à un train d'atterrissage. On est alors bien loin d'archaïques vantardises. Monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Autant béni des colonies, les guerriers m'appelaient grand chef. Autant glorieux de la OEF, j'avais des ficelles au képi. Autant béni des colonies, on pense encore à toi, Rwanda. Dis-nous ce que t'as fait. café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense. On pense encore à toi, au Guana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Autrefois à Colombéchat, j'avais plein de serviteurs noirs et quatre filles dans mon lit. Au temps béni des colonies, on pense encore à toi, au Guana. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. Y'a pas de café, pas de coton, pas d'essence. En France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense. On pense encore à toi, au Guana. Le temps des colonies, chanson sensible, interprétée par Michel Sardou en 1976. Parce qu'évidemment, le problème avec Sardou, c'est qu'on ne sait jamais s'il est pour ou contre. Encore que ça dépend, pour l'odieuse peine de mort, ça on sait, il est pour. Et là, pour l'Afrique colonisée, ben, on a des doutes. Mais tu as tout à fait le droit d'épouser un nègre. Alors là, tu sais, on n'est pas du... Pardon, j'ai dit nègre. Oh, ça me tourne... J'ai dû faire un lapsus. Alors maintenant, la clepsydre du Mangin Palace nous indique qu'il est à présent 11h22 et après avoir revisité l'histoire de la colonisation de l'Afrique, il est temps justement de constater l'ampleur des efforts que nous avons entrepris afin de considérer désormais nos anciennes colonies comme de véritables pays souverains et réellement indépendants. Oui, mon ami, quel regard porterait aujourd'hui Tintin sur le Congo ? Depuis un demi-siècle maintenant, les pays africains sont libres et maîtres de leur destin. Ce qui n'était point le cas en 1930 lorsque Tintin débarqua au Congo. À l'époque, le jeune reporter belge véhicula l'idéologie fichtrement paternaliste, voire carrément raciste qu'entretenaient les Européens à l'égard de l'Afrique. Seulement voilà, depuis personne ne sait vraiment quelles ont été les attitudes de Tintin face à l'émancipation du continent africain. A-t-il réellement changé ? Avant tout, il faut savoir que depuis la fin des 70s, Tintin fait sa grosse moule à Moulinsart. En effet, son ultime voyage chez les Picaros remonte déjà à 1976. Depuis, Tintin picole du cognac avec le capitaine Haddock et fume quelques cigares cubains dans son Chesterfield. Et c'est devant son écran plasma qu'il prend des nouvelles du monde désormais. Ainsi, sache qu'il est gravement inquiet dorénavant quant à l'avenir de l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Regardez les morts en Afrique à la télé en direct. Poivre d'abord avec une petite chemisette qui crotonne, très mignonne. Eh bien, cher docteur, ce petit enfant a donc la famine et vous ne pourrez rien pour lui, il va mourir malgré tout ce que vous lui avez donné comme médicament. Ben oui, vous voyez, l'œil ne réagit plus, vous voyez, je le pince, il ne bouge pas. Ah, ça y est, il est mort. Bon, ben coupé, elle est bonne. Oh non, arrêtez là. Arrêtez là. Il vient de mourir dans le poste maintenant. Non, il y a des mecs qui meurent de la famine pendant qu'on est à table. Arrêtez là. Les mecs qui meurent dans la famine, on leur passe pas des images de mecs qui sont en train de bouffer, alors. Eh oui, Tintin ne supporte pas que les Africains crèvent de faim. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé de les aider. En effet, en janvier 1994, pris de remords sans doute, Tintin décida d'imposer une mesure capitale et historique à 8 pays d'Afrique de l'Ouest et à 6 autres d'Afrique centrale. Les chefs d'État de toute la zone étaient soi-disant d'accord. Les chefs d'État de la zone, en plein accord avec les responsables français, ont décidé de dévaluer le franc CFA et le franc comorien et de maintenir l'unité de la zone franc. Cette mesure courageuse, prise par des États souverains après une longue réflexion, est le témoignage que l'Afrique prend son destin en main et se donne à long terme les moyens d'assurer son développement et le bien-être des populations. Non, je ne veux rien entendre, ne fais pas le joli cœur. Tu es le roi des menteurs, le roi des menteurs. Selon Tintin Baladur, donc, la dévaluation du franc CFA aurait entraîné le développement de l'Afrique et le bien-être des populations. Bien sûr. Une fois le franc CFA dévalué, toutes les autres grandes monnaies devenaient plus chères, leurs produits plus onéreux et la dette africaine en dollars toujours plus lourde. Certes, les exportations de ces pays africains devenaient plus compétitives, mais comme ces exportations ne concernaient en général que des produits agricoles de base, l'avantage s'avérait relativement faible, excepté pour la France, qui voyait ses produits industriels acquérir un avantage concurrentiel non négligeable. Au final, ce fut donc la ruine pour de très nombreux Africains. Merci patron. Cela dit, rassure-toi, car le 31 mai 2002, Tintin a considéré que nous avions effacé notre dette morale à l'égard de l'Afrique. France Inter. Les matchs d'ouverture sont souvent meurtriers. Après tout, l'Argentine en 90 avait été battue par le Cameroun 1-0. Les équipes africaines ne réussissent pas aux champions du monde sortants. La France l'a appris à ses dépens aujourd'hui à Séoul. Et le Sénégal a réalisé son rêve, battre les champions du monde. On a payé 1 milliard pour ça ? On va perdre notre slip, connard ! Je veux plus voir un black sur TF1, t'entends ? Même le mousse Diouf de Julie Lescaut, tu me vires et tu prends un blond aux yeux bleus ! Ah oui, les avatars colonialistes demeurent difficiles à gommer. Surtout quand les blacks se révèlent compétitifs. Alors là, pour Boana, c'est toujours dur à encaisser. Cela dit, il faut reconnaître tout de même que depuis 30 ans, Tintin a également beaucoup fait pour développer ce qu'on appelle la coopération, notamment économique, entre l'Europe et l'Afrique noire francophone. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. Au prédateur tentaculaire, au boulimie monopoliste, au technocrate mercenaire, quand la finance a ses artistes, au terrain de jeu au soleil, aux chaises longues pour politique, Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf se servent sur la pompe Afrique. Bolo Poli, Bolo Réseau, Bolloré voyage au Congo, Bolloré crée son arsenal, rejoint la cour du général. Bolocratie, Bolo la pieuvre, regarde les devises qui pleuvent. Quand Bolo se roule à tarper, il ouvre une usine OCB. Qu'aurait conseillé Tintin à Bolloré ? Ben, fais tourner. Mais non, ce n'est pas le genre de la maison. Ainsi, devant cette Afrique qui parfois crève de faim, devant cette Afrique qui parfois s'entretue comme au Rwanda et dont nous sommes en partie responsables, devant cette Afrique asphyxiée par sa dette, devant cette Afrique empêtrée dans son cloaque politico-financier et devant cette Afrique gangrénée par le sida, eh bien, en juillet dernier, révolté par tant d'injustices, Tintin a décidé d'intervenir et de prononcer un discours mémorable pour enfin sauver l'Afrique. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Je ne connais pas l'Afrique. Non, je ne connais pas l'Afrique. Et gris est ma couleur de peau. Gris est ma couleur de peau. La vie est une machine Afrique. La vie est une machine Afrique. Où les affreux n'ont pas d'affreux. Oui, décidément et définitivement, Tintin ne connaît pas l'Afrique. Et d'ailleurs, un grand nombre d'intellectuels africains et européens ont qualifié ce discours de Dakar de colonialiste, voire raciste. Cela dit, tout n'est pas si sombre. Par exemple, Tintin a enfin su débarrasser l'Afrique du Paris-Dakar pour le transformer en une nouvelle compétition que tu vas découvrir juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Dans un monde où l'argent règne en maître, les chemins de l'aventure sont désormais balisés par les cartes de crédit. Cette année encore, le Paris World Car a pris d'assaut les routes désolées de l'exotisme préfabriqué. Mais au nom de Dieu, qu'avez-vous donc dans le cœur, messieurs les sportifs de salon? Ce qu'on a dans le cœur, Nicolas. Un V8, 5 litres 2. Moteur turbocompressé de chez Mercedes. 40 soupapes, 8 cylindres en étoile. Bonjour les enfants, c'est Monsieur Manhattan, le Paris World Car. Non, parce que le désert africain, là... Ah, la casquette, hein. Du sable plein les godasses, de la bouffe indigeste. Merci bien, ça va les gars? Non, avec le Paris Car Monde, c'est vraiment différent. Parce que vous avez le côté dépaysant, hein, et en même temps, t'es à 2 heures de Paris. C'est tout bonus. Hein. Vous entendez? Ça, c'est la mélodie du temps qui passe. Vous voyez, ces gens-là savent encore prendre le temps d'apprécier le temps. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont au chômage. Hein. Et nous, quand on rentre sur Paris, ça nous gonfle à bloc. Hein. 500 connards sur la ligne de départ, 500 blaireaux sur leur moto. Vous savez, pas plus tard qu'hier, moi. Hier soir, j'ai rempli 2 formulaires d'allocation familiale. J'ai donné un petit coup de main. Mais ça, les journalistes, non, on n'en parle pas. Hein? Non, non, non. On préfère faire ses choux gras avec les accidents et tout le bazar. Hein? C'est vrai, des incidents, il y en a. Il faut pas le nier. Mais bon, écoutez, 180 en agglomération. Merde, quoi, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein? Yes. Black, blackness. The black side of me. Come on, but listen up. In our things we come in ourselves, in much patience, in tribulation, in needs, in distress, in stripes, in the prison memoir. We belong to God. In our things we come in ourselves, in much patience, in tribulation, in needs, in distress, in stripes, in the prison memoir. Ain't giving up. See my people on the road walking. I'm not sure ask myself where we're headed to. We're going so fast. We're going so fast. And when this question stress, I might not realize that we ain't suffering. Cause we made the rules in which we're living in today. It's all good, cause there's one who sees your effort. Wonder where's the way of how much you sacrifice, how many tears you cry, say cause. In our things we come in ourselves, in much patience, in tribulation, in needs, in distress, in stripes, in your busy memoir, we belong to God. In our things we come in ourselves, in much patience, in tribulation, in needs, in distress, in stripes, in your busy memoir, we ain't giving up. And girl, I see how much you've been through, and yet you have no trust in the fact of being strong. Got to know this. And now you lack physical richness and wealth of the flesh. I see you have achieved spiritual growth. This is what counts. So don't worry about all these things that pass away. Cause the grace of God is sufficient for you. Don't go astray. In our things we come in ourselves, in much patience, in tribulation, in needs, in distress, in stripes, in the prison memoir, we belong to God. In our things we come in ourselves, in much patience, in tribulation, in needs, in distress, in stripes, in the prison memoir, we ain't giving up. In needs, in distress, in stripes, in your busy memoir, we belong to God. In our things we come in ourselves, in much patience, in tribulation, in needs, in distress, in stripes, in your busy memoir, we ain't giving up. Working, c'est le sublime mélange germano-nigérian incarné par la jeune métisse Neka. Et du Nigeria à l'Allemagne, Lagos d'Hambourg n'est qu'à deux doigts du succès planétaire. Ah non, tout ça c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, à 11h35, afin de prolonger nos aventures subsahariennes, il est temps, je crois, de te révéler les coulisses de ce curieux et secret voyage entrepris cette semaine par le redoutable Chirac l'Africain. Oui, lundi dernier, il inaugurait sa nouvelle fondation au profit notamment du dialogue entre les civilisations. Car, tu n'es pas sans l'ignorer, notre ancien président avait tissé de nombreux liens d'amitié avec les chefs d'États africains. Et vois-tu, lorsque Chirac a dû céder sa place à l'Élysée, eh bien, pour Jacques, ce fut plus qu'une déchirure de renoncer à l'Afrique. Mais bon, heureusement, depuis lundi dernier, président Chirac, à la tête de sa fondation, va pouvoir continuer à entretenir ses réseaux africains. Il paraît que cette fondation doit servir à concurrencer Nicolas Sarkozy sur la scène internationale, ainsi qu'à introniser Villepin auprès des amis africains de Chirac dans la perspective d'une candidature de droite contre Sarkozy en 2012. D'ailleurs, dès mardi matin, Chirac proposa à Villepin d'aller rencontrer un vieux et mystérieux griot sénégalais installé à l'est de Dakar. Villepin était fort ravi car franchement, depuis quelque temps, il s'emmerde un peu à Paris. Oui, bon, Chirac demande à Villepin de se calmer un peu. Il s'agit avant tout d'un voyage initiatique au cœur de l'Afrique. Et en plus, maman les accompagne. C'est ainsi que Jacques, Bernadette et Dominique se sont retrouvés au Sénégal mercredi matin. À peine arrivé sur place, Chirac propose à Villepin d'aller se balader dans les rues de Dakar afin de s'imprégner de l'énergie africaine. D'autant que leur entrevue avec ce vieux griot sénégalais n'aura lieu que demain. C'est alors que soudain, Villepin tombe d'admiration devant un objet somptueux. C'est combien la statue là ? Le masque ? 30 000 francs. Combien ? 30 000 francs. Oh, elle est bien, j'ai envie de la prendre. Bah, attends, je vais te la marchander. Tu l'as fait à combien la statue ? J'ai dit 30 000. Oh, dis, tu nous vois venir là ? Ça vaut 15 000 francs, ça ? Non, 30 000. 20 000 francs ? Non, 30 000. 25 000 ? Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con. Bon, visiblement, les qualités légendaires du négociateur Chirac ont pris du plomb dans l'aile. Bernadette, elle, est restée à l'hôtel toute la journée puisqu'elle supporte très mal la chaleur de l'Afrique. Mais le soir venu, Villepin, gentleman, s'inquiète de savoir ce qu'a prévu Madame Chirac. On va peut-être dîner ensemble. Oui, peut-être, oui, si vous voulez, c'est une idée. Vous êtes ravissante ce soir. Écoutez, c'est pour vous entendre débiter des cochonneries, je préfère dîner seule. Hein. Cochonneries ? Oui, oui, déjà, il y a le coup de mes bas dans l'avion. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas venue au fin fond de l'Afrique pour faire des parties de jambes en l'air. Hein. Je vous ai jamais vu dans un pareil état. Il y a des tas de filles pour ça. Calmez-vous. On doit se lever tôt, il faut partir à l'aube. Allez prévenir le pilote, là. Excusez-moi, votre femme demande à quelle heure nous décollons demain. Demain matin, 6h30, dans le hall. Bonsoir. En effet, Madame Chirac est un peu tendue. Elle n'en peut plus de ses voyages. Elle pensait qu'une fois retraitée, Chirac lui foutrait la paix. Toujours est-il que jeudi matin, donc à 8h30, après 2 heures de vol dans un bimoteur, nos 3 compères débarquent dans la brousse sénégalaise, président Chirac en tête. Sous le soleil d'Afrique, on m'appelle l'Afrique. Je ne crains pas les moustiques qui restent sur leur faim. L'hippopotame adulte se fige en me voyant. Dans la forêt inculte, les fauves sont défaillants. Persuadé de suivre la piste qui les mènera au vieux griot sénégalais, Chirac l'Africain, fusil à la main, conduit sa petite tribu qui ronchonne discrètement. Quand soudain, nos 3 missionnaires doivent affronter une pluie de flèches. Chirac se précipite pour se réfugier et propose alors de faire aussitôt demi-tour. Mais à la surprise générale, Bernadette refuse. Pour une fois qu'elle s'amuse. Mais tu vas pas rester ici toute seule? On va tous y passer. Oh, l'égoïsme qui ressort tout de suite. Ah, le vernis craque vite, hein. Mais qu'est-ce qu'elle me parle de vernis? On y trouve un fond de l'Afrique, entouré de sauvages avec des flèches empoisonnées. Oh, raciste. Oh, arrête. Tu sais, si ce montre pas, c'est de ta faute, un comportement réactionnaire. Quoi? Oui, avec ton fusil, tes grenades, là. Oh, mais j'en ai marre à la fin du lubie de cette petite intellectuelle de gauche. Qu'est-ce que vous avez contre les intellectuels de gauche, patron? Oui, Villepin imite très bien Michel Leeb. Et Dominique fait d'ailleurs remarquer à Chirac qu'il y a un vrai créneau à prendre, à gauche. Faudrait y penser pour 2012 d'ailleurs. En attendant, Chirac l'Africain tente plutôt de trouver une solution pour se sortir de ce guet-apens. C'est alors qu'un vieux complice de Chirac sort son nez de la savane. Quand ils se reconnaissent, ils s'esclavent tous deux. C'est Jean-François Probst, l'ancien conseiller pour l'Afrique de Chirac, qui lui s'est reconverti ici dans un business local. Il est accompagné de quelques Sénégalais qui craignaient que Jacques, Dominique et Bernadette viennent contrarier leurs affaires. Affaires qui intriguent Madame Chirac d'ailleurs. C'est quoi exactement vos affaires? C'est quoi la petite chose que vous avez là? Ça? C'est de l'ivoire? De l'ivoire, vous avez deviné. Je déniche l'ivoire, je l'amasse, je l'exporte. Vous massacrez les éléphants? Massacrer, c'est une affaire de mots. Je chasse les éléphants pour que les jolies femmes aient des bracelets, des bigotes, des chapelets et les chapelles de crucifix. Mes plus gros clients, Lourdes et le Vatican. Ah, mais si c'est pour Lourdes et le Vatican, alors là c'est différent, répond Bernadette. Suce aux éléphants, dit-elle. Chirac en profite immédiatement pour demander à Jean-François Probst s'il connaît ce vieux griot que nos 3 lascars recherchent. Bien sûr, répond Probst. Mais pour lui, il est aussi fêlé que le colonel Kurtz dans Apocalypse Now. Ce mystérieux griot est un disciple du célèbre anthropologue sénégalais Cheikh Anta Diop. Cela dit, Probst veut bien les conduire jusqu'à lui. Ainsi, après plusieurs heures de marche en remontant le fleuve, au cœur des ténèbres, la petite troupe finit par arriver sous l'arbre du vieux griot. C'est alors que le mystérieux sage africain délivre son message à Chirac et à Villepin. Pour nous, le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire. Loin d'être une délectation sur le passé, un regard vers l'Égypte antique est la meilleure façon de concevoir et bâtir notre futur culturel. L'Africain qui nous a compris aura senti naître en lui un autre homme, animé d'une conscience historique, un vrai créateur, parfaitement conscient de ce que la Terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Excellent, se dit Chirac. Et aussitôt, il dit à Villepin de bien mémoriser cette pensée, car voilà pourquoi Sarkozy n'a jamais rien compris à l'Afrique. Ce continent ancestral possède une authentique histoire. Cela dit, le vieux griot demande tout de même à Chirac de citer Cheikh Anta Diop lorsqu'ils utiliseront cette pensée contre leur adversaire. « Pas de problème, mon vieux !» lui répond Chirac. « Tu parles !» se dit Jean-François Probst, qui lui, sait mieux que personne qu'en réalité, Chirac l'Africain... C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman, cambrioleur, est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche suis sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ces coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oh oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme à son heure rêve de voir son visage. De l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur a gagné le cœur. Une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Oh, gentleman cambrioleur a gagné le cœur. Gentleman cambrioleur, c'est Dutron. Revisité par Camille Bazbaz et Tété, parce qu'en effet, cet été, comme tous les autres saisons, d'ailleurs, la Bazbaz des multinationales, c'est de cambrioler l'Afrique, mais en gentleman. Enfin, tout au moins avec les dictateurs. Allez me chercher une boîte de mes cigares, le grand modèle, s'il vous plaît, pour Denis. Oh non, non, non, vous plaisantez, non, non. Ça me fait plaisir, je vous en prie. Alors, pour poursuivre notre étrange balade virtuelle à l'ouest et au centre du continent africain, il est temps maintenant à 11h47 de retrouver nos deux héros, Jean-Claude le sapeur et Monique Lambeauté, qui ont été tous deux fascinés cette semaine par la magie envoûtante de l'Afrique en plein cœur de Grosboule-les-Bains. En effet, le meilleur des curés, l'abbé Stoff, un Alsacien, a dû quitter sa paroisse de Grosboule-les-Bains pour partir à la retraite. Afin de le remplacer et pour éviter de tomber sur un grabataire, l'évêché a dégoté un ecclésiastique venu tout droit d'Afrique, comme on en rencontre de plus en plus dans nos campagnes. Il s'agit de Désiré Manganath, le père Manganath donc, qui a très vite rencontré Monique. En effet, curieuse de connaître ce nouveau prêtre, elle a foncé à l'église pour se confesser. Le père Manganath, toujours prêt à désinfecter tous les péchés, dit à Monique de réciter quelques paters et autant d'ave. Par ailleurs, le curé lui donne, en même temps que l'absolution, une petite remontrance. Et comme on dit au Zimbabwe, l'éléphant ne peut courir et se gratter les fesses en même temps. Monique imagine que le curé veut lui dire qu'elle ne doit pas courir deux hommes à la fois. Monique, très intriguée par ce prêtre noir, sort alors un atlas et lui demande de lui montrer sur le planisphère où se trouve son pays d'origine. Le curé répond qu'il vient d'Afrique, d'un pays lointain bien au sud de la France et que, sur la carte, Monique le trouvera indiqué... En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mon salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas. Monique est fascinée par ce jeune prêtre africain dont la seule présence l'ensorcelle. Mais ce n'est pas le cas pour les autres habitants du village. Tiens, par exemple, le maire de Grosboule-les-Bains, un élu apolitique évidemment, en se rendant à la messe comme tous les dimanches, s'étonnait que la famille paroissiale accueille un noir. En tout cas, ce n'est pas à lui que ça risquerait d'arriver. En tout cas, c'est pas à monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc ? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste ? Moi, raciste ! Salomon, raciste ! Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu pâle, tu ne trouves pas ? Ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue ? Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif ? Salomon est juif. Oh ! Tout ça fait rien, je vous garde quand même. C'est donc en présence de Salomon que le maire de Grosboul-les-Bains entre donc dans l'église pour assister à la première messe du père Manganat, le nouveau curé africain qui se lance très vite dans un audacieux sermon. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. Pour celui qui t'apparaît différent, très bien, je suis un dual, tiens et je viens. Alors tendons-nous la main, tu sais, faut le tout pour faire un monde. Oui, c'est vrai, tu sais, faut le tout pour faire un monde. Les paroles du curé vont droit au cœur des paroissiens qui n'avaient jamais connu une telle ambiance dans leur église. Sauf que voilà, une fois rentrée chez elle, Monique trouve son Jean-Claude furax contre cette atmosphère africaine à Grosboul. Et oui, depuis quelques jours, Rémi essaie de jouer du djembé. Et quand il arrive au salon, ben... Il arrive, il croit qu'il ramène l'Afrique avec lui. En fait, non, il ramène jusque le bruit. Il joue jusqu'à la fin de la nuit. Il croit rendre service aux gens, lui sourit pour être poli. Après une journée de boulot où t'auras pas encore bossé, tu peux pas empêcher tes mains de s'agiter. En plus, à côté toi, André Rieu, c'est comme un Suédois qui vit James Brown en mieux. Djembe man, ah ouais tu joues mal. Ah ouais tu joues mal. Ah ouais tu joues mal. Ah djembe man, ah tu joues mal. Ah tu joues mal. Et en plus tu joues fort et mal. Le djembe pose donc un sérieux problème à Jean-Claude. Mais c'est normal, Rémi est en train d'apprendre. C'est pareil avec la flûte et pire avec le violon. Et puis, il faut savoir tout faire passer. Et comme dirait le père Manganat... Et comme on dit en Côte d'Ivoire, qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Oui, mais voilà, Jean-Claude ne fait plus confiance en personne depuis qu'il a voté pour le président du pouvoir d'achat et qu'aujourd'hui tout augmente, sauf les salaires. D'ailleurs, obligé de prendre un nouveau crédit à la consommation chaque fois qu'il va faire le plein, Jean-Claude se sent solidaire du peuple africain. Autour d'un drapeau, il faut se rassembler. Le rouge pour le sang que le presseur a fait couler. Le vert pour l'Afrique, man, et ses forêts. Jaune pour tout l'or qui nous ont volé. Noir parce qu'on n'est pas blanc, on est tous un peu plus foncé. Symbole d'unité africaine, de solidarité. Noir et blanc en son fondant, c'est tonton David bien dédié. Et c'est d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Et tout à coup, Jean-Claude a une idée fulgurante. Afin de lutter contre la hausse des prix et pour emmener toute sa famille en vacances, là où Monique rêve d'aller, à savoir en Afrique noire bien sûr, Jean-Claude décide de se couvrir le visage d'un fond de teint opaque afin d'être confondu avec un noir. Ainsi, en se baladant dans la rue, il est certain qu'en quelques minutes, une patrouille de police le contrôlera. Et comme il n'aura pas de papier, ce sera direction l'Afrique en charter pour pas un rond. Monique tente bien de lui faire reprendre raison, mais rien n'y fait. Jean-Claude veut partir à l'aventure. J'ai quitté mon village, mon femme et mon enfant. J'ai venu à Abidjan pour chercher l'argent. J'ai quitté mon maison, j'ai laissé mon plantation. J'ai venu à Abidjan pour chercher travail. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai regretté. Au nom de Dieu, Abidjan, c'est vraiment difficile. Jean-Claude, ridiculement grimé en noir, sort donc dans la rue afin de se faire embarquer par la police, puis envoyer tout frais payé en Afrique. Et effectivement, dans notre pays, il ne faut pas marcher longtemps pour rencontrer des policiers que Jean-Claude interpelle aussitôt. Et là, le type là, ouais ouais, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez, allons, ambiance, ambiance, sous-pousse, ambiance. Ça ou l'ambiance du Bikouti, ambiance, Asiko, mouvement partout et mouvement droite, mouvement à gauche, roulement de Pecos, direction à l'hôpital, docteur, c'est mauvais, Adam sur les secousses. Le soir même, après avoir passé quelques heures au poste, après avoir fait beaucoup rire les policiers et après s'être démaquillé, Jean-Claude est rentré chez lui où Monique l'attendait. Voilà, fin de l'aventure africaine pour Jean-Claude. Et quand Monique lui demande comment ça s'est passé au poste de police, bah Jean-Claude, il lui raconte tout dans le moindre détail et avec une grande précision. Le premier Gaou, c'est celui du Magic System, tout simplement parce que le premier Gaou qu'il est né, bah, en Afrique bien sûr, mais... Chut. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre sympathique voyage dans les contrées fascinantes de l'Afrique noire. Des jolies colonies de la France, aux francs CFA dévalués, de Chirac l'Africain au Père Manganate et de Yabon sauvage à la pompe Afrique, nous t'avons offert ce matin un panorama sacrément incomplet et fichtrement subjectif de ce que peut être l'Afrique noire francophone. Alors, pour terminer, une petite réflexion. Il est clair que si la colonisation de l'Afrique a pris fin dans les années 60, l'indépendance économique ne lui a jamais réellement été accordée. Aujourd'hui encore d'ailleurs, ceux qui contrôlent l'économie mondiale voient l'Afrique comme un self-service gratos pour se goinfrer en ressources naturelles. Ces derniers temps, il semble que ce soit la Chine qui cherche à faire main basse sur le continent noir. L'Afrique deviendra-t-elle sous peu le nouveau terrain de la guerre économique mondiale ? Espérons seulement que l'Afrique libérée des chaînes que les grandes puissances ont su maintenir jusqu'à présent pourra à nouveau chanter... Indépendance, tcha-tcha, tosoumiye, okipoisa, tcha-tcha. C'était Joseph Kabasele et l'African Jazz, détonateur de la rumba zaïroise. Voilà, fin du 125e épisode. Tout le monde, toute l'équipe de La Panique vous attend nombreux dès la semaine prochaine pour l'ultime épisode de cette troisième saison. Merci à tous et à l'équipe technique de ce matin. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Mais en attendant, d'ici là, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On ne fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je ne savais pas que c'était en direct.